Diogo. Diogo. Excelente, seu pai. Travaillez mieux et vous aurez chaque jour une jolie pièce brillante. You have to come at Jamaica right now and find Rasta, the true and living Rasta. I mean, I mean, I'm feeling sad, I'm hooligan, I'm bloodsucker. Rasta no want no blood to drink. Because I would say to them, they move Babylon. Babylon. Move with your bloody medication, your flesh heart. Rasta no want no blood to drink. So see I and I, that it is weird, reggae, panting, because I and I, you know, and fight against I and I, they use them ganja, which is marijuana, and cali weed, sensimilia, palm bread. Rastafari! Si j'allais à un barbecue où il n'y a pas de viande, je dirais hey, « Hé machin, où est la bidoche ? Je vais leur afficher plein la vue, tu piges. On se fait pas de pote à coups de salade. » On se fait pas de pote à coups de salade. On se fait pas de pote à coups de salade. On se fait pas de pote à coups de salade. On se fait pas de pote à coups de salade. On se fait pas de pote à coups de salade.